Chapitre 11e. Par quel miracle imprévu la princesse fêlée redevient la princesse fleur d'esprit. Le roi demanda pardon à Poltronet des soupçons qu'il avait conçus, et pour l'en dédommager, il l'invita lui-même à voir la princesse fêlée. L'entrevue eut lieu, elle fut mêlée de peine et de plaisir, tout en contemplant avec admiration ces traits charmants dont la vue lui épanouissait le cœur. Le prince songeait avec amertume à ce trésor d'intelligence qui vivait jadis dans cette tête adorée et qui maintenant courait les champs sans que tous ses efforts eussent réussi à rattraper cette âme envolée. Quant à la princesse, elle parut prendre un vif plaisir à la présence de Poltronet, dont elle ne se lassait pas d'admirer, en riant aux éclats, la brillante écharpe et la plume flottante. Poltronet s'en alla tout triste, mais plus amoureux que jamais. Cette double impression se renouvela à chacune des fréquentes visites qu'il fit à la belle princesse, dont l'innocente gaieté le charmait, en même temps qu'elle lui brisait le cœur. Il était content de voir heureuse celle qu'il aimait, mais il se désolait, en songeant qu'elle était incapable d'aimer et qu'il n'entendrait jamais de sa bouche un doux aveu pour lequel il eût donné sa vie. Un jour qu'il racontait ses peines à son perroquet, et que celui-ci tâchait de l'égayer par de douces paroles et d'ingénieuses plaisanteries, il pensa que le spirituel oiseau pourrait amuser la princesse et il l'emporta chez elle. La belle idiote parut en effet ravie. Elle caressa le perroquet et rit beaucoup en l'entendant parler. Le prince s'en réjouit et il excita cette gaieté comme on fait pour un enfant à qui on montre un nouveau joujou. « Oui, » dit la princesse, « bon à manger. » Il répéta plusieurs fois cette parole, avec joie d'abord, puis en donnant quelques signes d'impatience. Poltronet ne comprenait pas. La nourrice, habituée à entendre la princesse et à comprendre le langage imparfait par lequel elle cherchait à expliquer ses fantaisies, lui expliqua que la pauvre fêlée avait envie de manger l'oiseau. Poltronet prit son perroquet avec un mouvement d'horreur et s'enfuit. Le lendemain, il trouva la princesse livrée à une profonde mélancolie dont il essaya vainement de la distraire. Il en fut de même les jours suivants, et la nourrice lui apprit que la fantaisie de sa chère enfant s'était changée en un désir persistant et que la tristesse croissante qui résultait de ce désir non satisfait altérait la santé de la princesse. Les roses de son visage se fanaient déjà et elle maigrissait à vue d'œil. Poltronet revint chez lui tout affligé. Le perroquet s'aperçut de son chagrin et lui en demanda la cause. Le prince la lui dit. « Il faut satisfaire la princesse, » dit le perroquet. « Jamais !» dit Poltronet, « je t'aime trop, et je ne me résoudrai jamais à un sacrifice qui serait un crime. »« Si vous m'aimez, » reprit le perroquet, « je vous aime davantage encore. Depuis le jour où je vous ai vu, j'ai senti s'éveiller en moi des sentiments inconnus. Si j'étais femme, je croirais que je vous aime d'amour. Mais je ne suis qu'un pauvre oiseau, et tel que je suis, j'éprouve pour vous une affection qui ne reculera pas devant le sacrifice d'une vie désormais inutile. Si je vous ai rendu quelques services, je ne puis plus rien pour vous. Aussi, je ressentirai une joie suprême à vous donner une dernière preuve d'affection en calmant la mélancolie de celle que vous aimez et le chagrin qu'elle vous cause à vous-même. Faire de toi une victime et te porter moi-même au sacrifice, jamais, encore une fois, s'écria le prince. Vous ne me porterez pas, répondit le perroquet. Ouvrez seulement la fenêtre et je volerai joyeusement vers la princesse. Non, non, dit encore Poltronet. Mais le perroquet reprit la parole, et il parla si éloquemment que le prince, persuadé, se leva, alla vers la fenêtre, recula, revint, et enfin ouvrit la fenêtre. À peine était-elle ouverte qu'il s'élança pour la refermer, mais l'oiseau était déjà dehors. « Adieu » cria-t-il, et il disparut. Poltronet sortit vivement et s'élança à sa poursuite. Il arriva au palais tout courant. « Où est mon perroquet ? » cria-t-il du plus loin qu'il aperçut la nourrice. « À la broche, » répondit celle-ci. Poltronet retrouva la princesse toute joyeuse du repas qu'elle allait faire. Il voulait se retirer pour s'épargner la douleur d'assister à cet horrible festin, mais la princesse se mit en colère en le voyant s'éloigner. Il prit donc son courage à deux mains, s'assit tristement en face d'elle et le regarda manger. Pendant que la belle idiote suçait délicatement, tout en donnant des signes d'évidente satisfaction, les ailes de sa volaille préalablement découpées par la nourrice, le prince se livrait à des réflexions décourageantes. Il se demandait s'il faisait sagement de persister dans un amour si mal placé. « Elle est bien belle, » disait-il, mais qu'est la beauté sans esprit? C'est sa réputation de sagesse et de haute raison qui a fait naître en moi la passion que j'ai pour elle. Maintenant que l'éclair de la pensée n'anime plus ses beaux yeux, maintenant que cette charmante tête est vide et que rien n'y survit plus à la raison perdue, si ce n'est une sorte d'instinct animal qui peut conseiller les actions les plus insensées et même les plus cruelles, ne suis-je pas aussi privé de raison que peut l'être cette jolie poupée de songer à unir mon existence à la sienne? Que le ciel est injuste, ajouta-t-il, et que lui ai-je fait pour qu'il m'inflige de pareils tourments? Elle est belle. Et relevant sa tête, qu'il avait tenue jusque-là cachée dans ses mains, il regarda la princesse. Celle-ci ne mangeait plus. Tenant d'une main sa fourchette, de l'autre un couteau, elle considérait le prince, et lorsque son regard rencontra le regard de Poltronet, celui-ci crut voir dans ses yeux une singulière expression d'intelligence. La commotion qu'il en ressentit fut si vive qu'il poussa un cri et tendit la main vers la princesse. Mais la princesse fêlée le regarda de nouveau avec étonnement et se remit à manger sans rien dire. Elle acheva son repas silencieusement, malgré les efforts que tenta Poltronet pour la faire parler. Puis quand elle eut fini, elle inclina gracieusement sa jolie tête blonde sur sa petite main blanche et s'endormit sans avoir prononcé une seule parole. La nourrice se disposa à la coucher et Poltronet s'en alla plus songeur que jamais. Seulement l'éclair qu'il avait surpris dans les yeux de la princesse, si fugitif qu'il eût été, avait complètement changé le cours de ses idées. Il se disait maintenant que s'il renonçait à épouser la princesse fêlée, il serait aussi lâche que les trois prétendants dont il avait vu la conduite en arrivant à Serendib, conduite qu'il avait profondément méprisée tout en profitant. D'ailleurs, les paroles incomprises de la sorcière Kirmiri ne lui avaient-elle pas donné à entendre que la raison de la princesse n'était pas perdue à jamais? « Un jour viendra peut-être, s'écria-t-il, où mon amour et ma constance triompheront de la destinée, et où j'entendrai cette bouche que j'adore prononcer le mot divin pour lequel je donnerai ma vie. » Il s'endormit par là-dessus, tranquille comme un prince qui a pris une bonne résolution. Le lendemain, de bonne heure, il se présenta chez le roi. Il fut reçu immédiatement par le monarque et lui exposa la résolution qu'il avait prise. « La princesse fêlée, dit-il, avait porté assez longtemps le deuil d'un mari qu'il avait si peu épousé que ce n'était pas la peine d'en parler. Elle pouvait maintenant conclure une autre union sans blesser les convenances. Poltronet conclut en suppliant le roi de l'agréer pour gendre et de conduire sans délai une alliance qui comblerait le plus cher de ses vœux. »